mariage et mon vrai panneau, et mon vrai panneau. Un contrat m'engage, j'épouse un Margot. Un contrat m'engage, j'épouse un Margot. Son hiver polage est presque le gage d'un mauvais nom, d'un mauvais nom. Un contrat m'engage, j'épouse Margot, son hiver volage est presque le gage, est presque le gage d'un mauvais lot, d'un mauvais lot. Mais contre l'orage, on met à l'usage les moyens qu'il faut, les moyens qu'il faut. Une femme est sage, qu'on n'a pas d'un mot, n'est pas un sot, n'est pas un sot. Mais contre l'orage, on met à l'usage. Mais contre l'orage, on met à l'usage. Les moyens qu'il faut, les moyens qu'il faut. Une femme est sage, on n'a pas d'un mot. N'est pas un sot, n'est pas un sot. On ne peut trop tôt se mettre en ménage. J'ai beaucoup d'ouvrages et le mariage est mon vrai panneau, est mon vrai panneau. Un contrat m'engage, j'épouse Margot. Un contrat m'engage, j'épouse Margot. Son hiver volage est presque le gage d'un mauvais nom, d'un mauvais nom. Un contrat m'engage, j'épouse Margot. Son hiver volage est presque le gage, est presque le gage d'un mauvais nom, d'un mauvais nom. Voilà fiancé par un double contrat, l'indolente Fanchon va devenir ta femme. Les grillades de Margot vont te mettre en état de chanter chaque jour une amoureuse gamme. Compère, es-tu content de ton marché? Dis-moi. Et toi, compère? Et toi? Parle-toi. Parle-toi, es-tu bien satisfait? Compère, es-tu bien aise? Pour Margot, tout de feu. Pour Fanchon, tout de braise. Es-tu bien satisfait? Compère, es-tu bien aise? Mais, dis auparavant, tu le veux? Tiens, ma foi, je ne sais. Mais Fanchon est lent et paresseux. Et par trop joyeuse, elle est chaseuse, gosseuse, elle est chaseuse, gosseuse, gosseuse. Pour peu qu'on la mette en jeu, pour peu qu'on la mette en jeu. Elle prend feu, elle prend feu. Pour peu qu'on la mette en jeu, elle prend feu, elle prend feu. Pour peu qu'on la mette en jeu. Pour peu qu'on la mette en jeu, elle prend feu, elle prend feu. Pour peu qu'on la mette en jeu, elle prend feu, elle prend feu, elle prend feu, elle prend feu. La voilà quinteuse, grogneuse, fâcheuse. Dites-lui oui, elle répond non. Dites-lui oui, elle répond non, oui, non, non, oui. Un démenti vous met en colère. Prend-on le parti de la faire taire, le bruit nous l'encore, jamais d'accord. On se désole, on se désole. Soufflez bon leur pain, on les rend soudain. Et le bon est mort. Margot, morbleu, et par trop joyeuse, et par trop joyeuse, elle est chaseuse, gosseuse, elle est chaseuse, gosseuse, gosseuse. Pour peu, on la met en jeu, pour peu, on la met en jeu, elle prend feu, elle prend feu. On la met en jeu, elle prend feu, elle prend feu. Pour peu qu'on la met en jeu, pour peu qu'on la met en jeu, elle prend feu, elle prend feu. Pour peu qu'on la met en jeu, elle prend feu, elle prend feu, elle prend feu, elle prend feu. Le défaut de Fanchon me fait maigrir la trogne. Son air froid, engourdi, pas désolé, fin froid. Tiens, nous avons été par trop vite en besogne. Margot te convient mieux. C'est bien dit, je le crois. Je m'accommoderai de Fanchon à merveille. Trop con, va, top, allons, le changement réveille. Changeons compère, changeons compère, Chacun de nous s'avance la future. Faisons-les consentir. Va, nous allons conclure. Bonjour Margot. Fanchon, bonjour. Tu te trompes? Non, ma chère. Mais Philippe d'en veut tout de terre. À ton ami, peux-tu jouer ce tour? Margot va m'en vouloir. Fanchon sera jalouse. Écoute, c'est moi qui t'épouse. C'est moi qui serai ton mari. Et non, c'est moi, et non, c'est moi, et non, c'est moi. qui serait ton mari, c'est moi qui serait ton mari. Thank you. Fauchon, entends déjà raison. Je l'en dégoûterai. Terminons donc l'affaire. Oh, quel bonheur! Margot pense comme Fauchon. Changeons ma chère, changeons ma chère. Trop contre contre contre contre. Changeons ma chère, trop contre contre. Changeons ma chère, trop contre contre. Changeons ma chère, trop contre contre. Changeons ma chère. Trop contre contre. Changeons, changeons, changeons, changeons, changeons, changeons, changeons, changeons, changeons, changeons, changeons, changeons, changeons, changeons, changeons, changeons, Vive, vive Margot, j'aime son caractère. Oui, tu vas l'éprouver. Que nous serons heureux. Tu me parais que tu sais bien me plaire. Je brûle d'être à toi. Viens donc combler mes voeux. Oh, cesse la gêne, l'aigreur n'attaqua, sans cesse la gêne, l'aigreur n'attaqua, les cris de tracas, les peurs de tracas. Se voilà ce mène, jouons une scène, où toute la laine, tu chanteras, hélas, hélas, hélas. Sortons d'embarras, sortons d'embarras, Fanchon et ma reine, Fanchon et ma reine, je compte ce pas de prendre ma chaîne, je compte ce pas de prendre ma chaîne. Ah, qu'elle n'en a pas, ah, qu'elle n'en a pas, qu'elle n'en a pas, qu'elle n'en a pas. Sortons dans ma main, Fanchon et ma reine, je cours de ce pas, je cours de ce pas, le corps de ma chaîne. Ah, qu'elle n'en a pas, ah, qu'elle n'en a pas, qu'elle n'en a pas, qu'elle n'en a pas. J'ai cru faire un bon coup en changeant de futur. Margot était mon fait, peste soit du marché. Avec Fanchon, hélas, il faudra donc conclure. Qui, moi, garder Fanchon? Qui, moi, garder Fanchon? J'en serais bien fâché. Sa nonchalance saremo turbo, saremo turbo, iner elle balance, iner elle balance, pour dire Margot, eh bien, rends-toi, j'ai reconnu ma faute. Reprends mon cœur. Tout beau, tu comptes sans ton note. Margot!